Alors, on vous propose de regarder une nouvelle série d'extraits, en commençant par un deuxième film de Vidéo 00, Alma Future, qu'on vous laisse présenter brièvement. Ouais. Alors, Almagar, ça a été le centre de nos préoccupations pendant de nombreuses années. C'est un quartier menacé de démolition par la mairie, où existe un atelier populaire d'urbanisme animé par les habitants. Et on a entendu parler de cet atelier, on a pris contact et on vient un soir, mais catastrophe, on arrive au moment où la décision de détruire le quartier a été prise par la mairie. Alors c'est la première séquence en principe. Alors pour compléter, c'est devenu vite une action qui a remis en cause les HLM tels qu'ils étaient, vous voyez, les bars, les tours, etc. Et il y a eu une dizaine comme ça d'opérations pilotes, plus ou moins soutenues par des tas de forces. Et c'est ce qui a quand même un peu, c'était à l'origine un peu d'un bouleversement de la façon de faire des maisons pour HLM. Hein. Et donc, ce groupe d'habitants a pris ça en main. Et là, je rappelle ça, ils se sont associés à des architectes, sociologues, et puis nous, Vidéo, puis Yvonne, qui était aussi sociologue, etc., avec une volonté de s'associer à des centres de ressources de connaissances. Vous voyez, c'était très moderne. Hein. Et on retrouve ça jusqu'à maintenant, vous voyez, cette problématique du contre-pouvoir d'une population donnée qui sait mobiliser les bonnes ressources intellectuelles, etc., c'est quelque chose de très moderne et qui continue. Voilà. Alors, on a continué comme ça avec Alma Future pendant 3 ans, on a suivi. À la fin des 3 années, quand le quartier a été réalisé, on a fait un film 16 mm, en réinterviewant, en couleur, alors que le son, etc. Et puis, on a intégré dedans les bandes vidéo. Alors, vous ne le verrez pas ce soir, mais vous voyez, donc ça a été avec les archives. Mais on a accompagné aussi les habitants de ce quartier pour faire des activités économiques. Et puis, donc ça a donné quelque chose de très bien. Et puis, dans les années 80, malheureusement, il y a un tournant qu'on a tous loupé au niveau politique, c'est la maîtrise de l'économie. La mondialisation a tout emporté, y compris le quartier de l'Alma Future. Vous verrez ce quartier maintenant. C'est effroyable, effroyable. Voilà. Alors, c'est une expérience qui a réussi, qui a engendré beaucoup d'expériences, de réalisations semblables. On construit plus les immeubles comme on faisait, avant, mais malheureusement, il y a eu un échec sur le plan économique. Et ça s'est terminé en 1989 avec eux. On a fait un film qui s'appelle Fil de vie, où avec beaucoup d'habitants du quartier, on a retracé l'histoire économique et celle de l'industrie textile. Et donc, en fait, finalement, la transformation de ce quartier jusqu'à sa chute. Oui, voilà. C'est une série d'extraits de 6 minutes, c'est essentiellement le début. Sur quelque chose qui dure 1h30. Oui. Roger Lemans, membre de l'APU. Depuis de longues années, depuis 15 ans maintenant, nous avons toujours demandé que la rénovation du quartier serve en priorité les travailleurs de ce quartier. Or, aujourd'hui, on nous annonce par voie de presse, et non pas à nous, et non pas en face, on nous annonce qu'il serait peut-être possible, sinon certain, que le quartier, l'ensemble du quartier, serait rasé. Ce qui veut dire que toutes les maisons, quelles qu'elles soient, seraient démolies. La seule conclusion que la CFCD et l'APU peuvent faire ce soir, c'est de demander à tous les participants à cette fête, habitants du quartier ou habitants l'extérieur, c'est de se tenir prêts, prêts à une épreuve et on qualifie de force. S'il le faut, nous prendrons les maisons et nous les réhabiliterons nous-mêmes. Alors là, c'est coupé à l'urbanisme, non, c'est pas une association dans le sens où on l'entend en général. C'est la réunion des habitants du quartier, des militants de différentes organisations, dont ceux de la CFCV, il y a quelques militants de la CFDT, de la CGT, et qui permet, on se réunit tous les mercredis. Alors je crois que ça aussi, c'est quand même intéressant à voir. Depuis maintenant 3 ans et demi que l'atelier populaire est créé, on n'a pas loupé un seul mercredi depuis ce temps-là. Tous les mercredis, et les habitants le savent maintenant, tous les mercredis à 7h30, on se réunit donc là dans le local pour regarder les problèmes qui se posent au quartier, essayer de les solutionner et éventuellement aller plus loin si on n'obtient pas satisfaction. Alors ça, ça a été quand même une première étape, mais disons que... Oui, alors là, c'est variable. Disons qu'en moyenne, il y a au moins tous les mercredis, sans faire de publicité, disons, enfin de convocation, une moyenne de 30 personnes tous les mercredis. Mais alors que dans les grandes occasions, lors de réunions avec la municipalité ou alors d'actions à décider, là, on pourrait presque dire qu'on joue à guichet fermé, puisque la salle est quand même relativement petite et qu'elle peut contenir, disons, une centaine de personnes. Et puis que là, vraiment, c'est complet, quoi. Mais disons que ça, c'est dans les grandes occasions. Alors moi, c'est pas difficile. Moi, j'ai le water juste en face de moi. Et tout le bordel, il vient dans mon ruisseau. Moi, j'ai la merde, excusez-moi de le dire comme ça, mais moi, j'ai la merde en plein du midi et du soir. Enfin, un copain ici qui l'a vu. Fernand est présent. Et 4000 francs par mois de loyer. Le cabastère, elle va automatiquement, elle va aller vendre foutre de l'heure, moi. Hein? Et donc, c'est pour aller loger, moi, avec mes enfants. J'ai plus de logement, j'ai plus rien du tout. Non, mais monsieur, si vous voulez savoir le logement, enfin, c'est autre chose, mais c'est fort important. La loi 48, il y a une loi qui protège le locataire, et on ne fait pas payer n'importe quel prix. C'est comme le pain, vous le payez tel prix chez le marchand, vous le paierez tel prix ailleurs, il est taxé. Le loyer de la loi 48, c'est pareil, c'est un loyer taxé. Votre loyer, la barbe d'or, même si ce n'est pas déclaré à sa vue, c'est déclaré à sa vue. Ah, bon, alors, c'est déclaré à sa vue. Vous n'avez même plus de loyer, et même si vous avez un loyer payé, c'est en catégorie 4, il ne vaut même pas un franc, votre loyer. Moi, je peux vous le dire, sans dans la maison, justement. Oui, mais voyez, c'est pour ça, voyez, j'insiste, c'est pour ça que souvent on invite les gens à participer aux réunions et tout ça, parce qu'il y a une loi pour le loyer. Voyez, il y a des tas de choses qu'on peut apprendre. Si on se réunit le mercredi soir depuis déjà 3 ans, si vous voulez, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est fort important. Vous voyez, vous, ce soir, vous vous dites, moi, je fais 150 francs de loyer. Mais je peux vous dire que demain, si on vient chez vous faire la surface corrigée, eh ben, ça sera pas 150 francs, même en catégorie normale, ça fait que 50 francs. Si c'est insalubre, il n'y a plus de loyer à payer, on a ouvert un compte collectif, vous bloquez votre loyer, et puis si un jour vous déménagez, vous récupérez votre argent. Il y en a qui sont ici dans la salle qui ont récupéré leur argent au moment du déménagement, parce que ça c'est aberrant. Enfin, on doit, si vous voulez, nous les ouvriers, on doit essayer de s'organiser. Bon, on doit essayer de se mettre ensemble, on doit aussi faire travailler sa tête et dire, bon, il y a des lois, mais il faut essayer, si vous voulez, c'est pour ça qu'on se réunit le mercredi, pour qu'on arrive à se défendre. Thank you. Alors, nous vous proposons de voir maintenant un autre extrait, un deuxième extrait de ceux de Pédernec, des Sans-Fleurs. Et je laisse donc le soin à Daniel et Jean-Paul de présenter l'extrait que l'on va voir et qui est marqué également par une forte présence de la musique. C'était aussi une grève sur le modèle de l'IP. Et les ouvriers de Pédernec qui travaillaient pour Doux ont décidé de s'organiser et de faire d'abattre des volailles eux-mêmes et de les vendre. Et on est allé les voir sur place. On avait vu un article dans l'IB, puis on s'est dit « Ah, ça doit être chouette à filmer. » Une belle lutte, donc on y va, voilà. Ah, c'était 3 mois après Cerisé, quoi. Quel est le rapport des gens, juste avant de lancer, quel était le rapport des gens avec la caméra, avec le fait de filmer? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui filmaient à cette époque. Hein. Ils avaient déjà été filmés, finalement, Non, mais je me rappelle, me revient quelque chose, c'est qu'on leur avait montré Cerisé, ah, ouais. Et donc ça les a rassurés. Et là, il y a une photo, je ne sais pas d'où elle sort, où on me voit avec la caméra, et c'est de dos, avec les... C'est Annie Carreau, je pense. Ah oui, avec les carreaux, là. C'est oui. Annie Carreau. Et je pense que c'est toi qui as pris la photo, ça, en fait. En tout cas, ces deux photographies qui viennent effectivement de Cinéma d'aujourd'hui, le numéro consacré au cinéma militant, dont j'ai fait circuler un exemplaire, et qui avait été dirigé voilà, par Guy Hennebelle. Et je confirme, Monique, on ne trouve pas trace de crédit, donc je ne sais pas qui a pris les photos. Ce qui pose quelques soucis aujourd'hui quand on cherche à retrouver les personnes qui, effectivement, sont ayant droit. Donc 1974, donc 4 ans avant Alma Future. Là, on fait un petit retour en arrière, hein, en termes chronologiques. Quand vous achetez un kilo de poulet, vous pouvez nous dire que vous payez 300 grammes d'eau. Puisqu'il est au droit à 30%. Et vous payez la flotte qui sort de la rivière d'en bas, hein, au même prix que vous payez la mer. Oui. Puisque en 2 journées d'abattage, d'où gagne pas payer tous les ouvriers pendant un mois. Mettons que le poulet fait à peu près 1,2 kg, 1,3 kg. Mettons que sur 35 000 qu'on abat tous les jours, qu'on abattait, puisque maintenant, oui, sur 35 000, ben, disons que ce soit 40-45 tonnes, quoi. On avait qu'à voir, il y a 30% de flotte. Ça fait environ 12 ou 15 mètres cubes d'eau. 15 000 litres d'eau au prix du poulet. Hein? Ça fait mal, hein? Et encore, ils se plaignent qu'ils ne peuvent pas donner 40 sous ou 80 centimes moins qu'on demande. Non, pour ça, c'est un truand, un salopard. Thank you. Et 30% d'eau, c'est parce qu'il congèle les poulets, mais avant, il les fait tremper dans l'eau. Ah oui, pour c'est les imbiber. Après, c'est expliqué après. Pour les imbiber. Pour les imbiber d'eau, oui. Je ne sais pas s'il n'exagère pas sur les 30%. Oui, mais c'est symbolique, ça pour montrer comment un patron fait des profits. Ouais. Il m'a chipoté. Alors, après, cet extrait, on pourrait voir un, parce que l'heure tourne et on voudrait évidemment pouvoir discuter avec aussi le public et que vous puissiez poser vos questions à nos invités. Mais je vous propose qu'on regarde un dernier extrait donc de Vidéa, un extrait du film qui s'appelle Malédictine et qui va nous permettre de montrer, de casser un préjugé, me semble-t-il, à savoir que la vidéo militante aurait manqué d'inventivité, aurait été embêtante. Déjà, on a vu que ce n'était pas le cas, de toute façon, avec tous les extraits qui viennent d'être projetés. Mais là, en plus, cette vidéo va introduire un pont avec, même si, tu vas nous l'expliquer, Anne-Marie, ce n'était pas conscientisé de votre part, je crois, à l'époque, ça établit un pont avec tout le champ déjà de l'art vidéo en fait et des performances filmées qui sont tournées par des artistes à la même époque. Malédictine est un film militant quand même, mais d'une féministe en tout cas assurément, mais d'une grande singularité formelle. Je te laisse évidemment présenter le projet. Oui, c'est un drôle d'objet en effet, un peu difficile d'en parler. Enfin, le contexte c'était qu'on était partis donc toutes les quatre de Vidéa dans une maison dans les Cévennes, totalement isolée. Il fallait une demi-heure de voiture pour arriver au premier village. On était cinq, plus une amie. Et on avait amené notre matériel vidéo. Et donc, on s'est dit, on va faire quelque chose. On va faire un film sur nous-mêmes. Le projet, c'était ça. Puis après, un film sur nous-mêmes. Enfin, il faut quand même que ça ait un rapport avec le féminisme. Enfin bon, il y a eu plein de discussions et en fait on a choisi de faire chacune une sorte de performance et où chacune prenait un stéréotype féminin. Donc moi j'étais la sorcière, Cine était la femme sauvage, Catherine était la mort, ma sœur était la grande prêtresse et la dernière, exactement. Et la dernière était la femme fatale qui fait de la danse du ventre. Et tout ça. C'est comme je disais, c'est un objet bizarre. Surtout après ce qu'on vient de voir. Je pense que ça va vous paraître extrêmement étrange. Et en même temps, je veux dire, on le considérait comme un film militant. Et quand on l'a diffusé, toujours au GLIF, dans ce café rue des Prouvaires, on a quand même fait un sacré bide. C'était pas du tout politiquement correct. Et d'autant plus qu'on on avait passé le film après Miso et Mazo, vont en bateau. Bon, enfin, vous allez en voir un petit bout et vous allez voir, c'est quand même spécial. C'est vraiment proche du cinéma underground. Même si, enfin, on avait quelques idées, hein, bien sûr, du cinéma underground, mais c'était pas une référence vraiment pour nous. C'était plutôt de faire chacune une performance. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez mettre le son très bas? Il n'y a pas de son là sur la séquence, malheureusement. Ah, il n'y a pas de son. Non, c'est une séquence sans son, justement. Il y a des problèmes de. Il y a des problèmes d'une piste son qui est dans tous les déboires de films de Vidéa. Là, c'est une piste de son qui a disparu. Bah, tu pourras nous dire quel était le son d'origine, puisque là, vous allez voir un film muet qui, en fait, n'était pas muet à l'origine. Non. Enfin, au début, ce sont des murmures. En fait, après, on avait fait la bande son et beaucoup de murmures. Ouais. Désolée pour la fin un peu cut. Dommage, parce que c'est bien la fin. Oui, mais je pense que là, il y a eu... je vous prie de bien vouloir m'excuser, je pense qu'il y a eu un petit souci au montage, là, en l'occurrence. Tu as fait de la censure. Non, absolument pas. Ou alors, c'est l'heure qui a fait que, voilà, il y a eu un petit cafouillage sur la fin, je vous prie de m'en excuser. Mais donc, cette bande se trouve au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir et dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France, en intégralité, et je crois qu'elle fait partie... Est-ce qu'elle fait partie du DVD édité pour Vidéa ? Non, on vous a apporté des exemplaires ce soir, mais sur le DVD édité, il s'agit de 4 000 lettres par la prostitution avec la féministe. Et de 8 mars 75 aussi ? Et du 8 mars 75. D'accord. Je viens de faire une micro-édition en fait, de quelques films des années 70, de plusieurs réalisatrices.